Chapitre 6e. Le temps aidant, on s'habitua peu à peu à la présence paisible de la marquise d'Astorre. En vérité, elle ne gênait personne. Seulement, comme il fallut bien qu'on se vengeât de sa sauvagerie, du peu d'empressement qu'elle mettait à connaître le monde dont elle aurait dû être un ornement, on répandit le bruit qu'elle était d'une pauvreté d'esprit vraiment remarquable. On la fit passer pour stupide. On assura que si elle se cachait, c'était tout simplement par crainte de montrer dans leur salon le vide de sa petite tête et son ignorance. Cependant, Elisa se sentait bien seule dans les grands appartements somptueux et sévères du palais d'Astorre. Un silence singulier régnait toujours dans ses pièces à plafonds si hauts, couverts d'or bruni par le temps, dans ses salons aux riches tentures sombres et pâlies, aux rideaux pesants tombant en plis magnifiques. Les tapis étouffaient même le bruit si léger de ses pas. Dans un grand lit du XVe siècle, à colonnes torses, dont le baldaquin armorié semblait peser sur sa tête, elle parvenait difficilement à s'endormir. Les journées s'écoulaient lentes et toutes pareilles, et il lui semblait vivre dans un état de demi-somnambulisme continuel, tenant le milieu entre la léthargie et le rêve. Songeant aux angoisses des derniers temps, au terrible péril auquel elle avait si miraculeusement échappé, elle se reprochait parfois de ne pas assez apprécier l'immense bien-être de sa nouvelle position. Elle lutta contre l'engourdissement morbide de toutes ses facultés et tâcha de se faire une vie tranquille et occupée. Deux pièces de son trop grand appartement, les plus petites et les plus confortables, furent arrangées à sa guise et elle y passa ses journées, lisant beaucoup, avidement. La lecture, on se le rappelle, avait toujours été son plaisir favori. Cela devint maintenant un besoin, presque une rage. Parfois, s'intéressant à un livre jusqu'à s'oublier elle-même et à se mêler à la vie factice des personnages, parfois lisant pour lire et parcourant des pages entières sans trop se soucier de les comprendre. Les douces et navrantes images de son passé ne surgissaient alors plus devant elle, mais une tristesse physique l'envahissait peu à peu, tout entière, jusqu'à faire partie d'elle-même. Refoulée dans les profondeurs du cerveau, dans les fibres les plus intimes de son cœur, elle avait pénétré dans ses os et dans sa chair et circulait avec son sang. Elisa parvenait à oublier ses pensées si tristement inutiles, mais tandis que son esprit s'intéressait à des choses étrangères, l'incurable mélancolie dont tout son être était possédé la clouait pendant des heures à la même place, la languissait dans une pose abandonnée, éteignait son regard et imprimait à tout son être cette immobilité et cette lenteur pleine de fatigue, signe du renoncement. La lutte était finie. Elle sentait plus que jamais le vide, et surtout, elle fuyait l'oisiveté matérielle qui ne pouvait être que le travail de la pensée. Dans les premiers temps de son étrange mariage, la présence de Massimo, qui la rassurait et l'intimidait en même temps, l'avait forcée de penser à autre chose. Mais maintenant, elle se trouvait seule, entourée de luxe, tombée dans une existence imprévue et richement tranquille, dans une paresse qu'il lui fallait toujours combattre. Et dans son boudoir, tout couvert d'une étoffe gaie à grand ramage, à moitié couchée dans une chaise longue au coin du feu, elle lisait volume sur volume, préférant des romans attachants qu'on ne peut laisser, pleins d'aventures périlleuses et dramatiques, et aussi en dehors que possible de la vie réelle. Et souvent, le livre ouvert, posée sur ses genoux, elle regardait à travers les vitres le sombre palais d'en face et au-dessus du toit une étroite bande de ciel d'un bleu étincelant et elle s'oubliait comme cela longtemps, songeant à ce qu'elle venait de lire. Cependant, à travers l'échafaudage des fictions, quelque chose d'insaisissable pénétrait, une brume se posait, c'était le souvenir du passé toujours présent même à son insu. Quelques-unes de ses anciennes amies étaient venues la voir. Elisa les avait reçues et, par hasard, n'eut pas lieu de s'en repentir, les ayant trouvées pleines de tact et de discrétion. Elles lui reprochèrent toutefois de se renfermer dans une solitude trop complète, et Elisa finit par se convaincre que jusqu'à un certain point, elles avaient raison. Peu à peu, elle laissa donc s'élargir le petit cercle de ses connaissances, tout en vivant dans une solitude relative. Lentement, elle prit quelque intérêt à ce qui se passait autour d'elle. Certaines beautés de l'existence, par elles-mêmes, en dehors de toute idée de bonheur, se révélèrent à ses yeux. Elle était, malgré tout, fort attachée à la vie. Car lorsqu'une créature a été créée pour vivre aussi heureusement et aussi complètement qu'il est possible ici-bas, quels que soient les malheurs que lui infligent les hommes, le goût de la vie lui reste. Et jamais, même au moment de plus morne désespérance, Elisa n'avait sincèrement désiré mourir. Elle sut encore sortir victorieuse de son abattement profond. Par un effort, où elle mit toute son énergie, la réaction s'opéra. Elle devinait que sa position et sa manière de vivre devaient donner lieu à bien des commentaires, et avec tout le monde, elle s'enfermait dans une grande réserve, tout en se montrant aimable. Un jour, sur le piazzale des Cassines, la belle comtesse Goffredi, une des femmes les plus à la mode de Florence, fit approcher sa voiture de celle de Lady Thompson. Il y avait foule ce jour-là, dans cette espèce de salon en plein air qui est le rendez-vous de tous ceux qui veulent être élégants, et les deux voitures réunies furent bientôt les plus entourées. « J'ai fait une découverte, » dit la comtesse. « Intéressante ? » ?»« Très intéressante. » « Savez-vous d'où je viens ?»« Du palais d'Astorre. » »« J'ai causé pendant plus d'une heure avec elle. » »« Ah, bah, tu ne la connaissais pas ?»« Pardon, ma chère, je la connais depuis hier. Je l'ai rencontrée chez ma belle-sœur. » « Et tout de suite, comtesse, vous êtes allée la voir aujourd'hui ?»« Ma foi, oui. Vous savez, quand je veux faire une chose, je la fais. D'ailleurs, quel mal y a-t-il à être poli ?»« Enfin, j'en arrive. » »« Et la découverte ?»« La voici. Elle n'est pas bête du tout. Elle cause comme un ange. Elle a même du talent. Cette femme, c'est moi qui vous le dis, et si elle voulait, elle aurait de l'esprit. » Cependant, Elisa se promenait seule, selon son habitude, tout au fond de la dernière allée, se chauffant au soleil d'hiver et ignorant complètement le revirement d'opinion qui était sur le point de s'accomplir à son égard grâce à l'importante découverte de la comtesse Goffredi. Il s'accomplit en effet. N'être pas de l'avis de ceux qui déclaraient la marquise d'Astorre est stupide, à moitié folle, devint une mode raffinée. Il faut du reste avouer qu'Elisa elle-même, par son propre mérite et tout en continuant à vivre à sa guise, avait fini par commander le respect et conquérir de nombreuses sympathies. D'un autre côté, cela ne fit qu'envenimer l'opinion des ennemis à tout prix, de qui l'antipathie, sans qu'ils eussent su dire pourquoi, devint presque de la haine, et qui dès lors se dirent qu'un peu de calomnie devenait absolument nécessaire. Quelque temps après, un des soirs de réception chez Lady Thompson, la porte du salon blanc et or où une cinquantaine de personnes se trouvaient déjà, parut s'ouvrir plus large que de coutume, et l'on vit Madame Goffredi entrer, accompagnée de la marquise d'Astorre. Tout le monde fut étonné, bien que la maîtresse de maison eût annoncé une surprise. C'était la première fois qu'Elisa paraissait dans un salon. La vue de la jeune femme, donnée en pâture à la curiosité générale, aiguisa cette curiosité tout en la satisfaisant. Cent regards se posèrent sur elle. Elisa parut fort à son avantage. Grande, pâle, sérieuse et souriante, presque belle, très simplement et un peu étrangement mise, car à sa manière elle savait s'habiller. Malgré tout ce qu'on avait dit et pensé d'elle, on était généralement prévenu en sa faveur et elle devait plaire. Ce soir, comme toujours, il régnait dans le salon blanc et or, à tenture de satin couleur feuilles mortes brodées de fleurs éclatantes, une atmosphère lourde et parfumée, qui était l'air naturel des habitués. Presque toutes les femmes étaient décolletées et ses épaules blanches, dont quelques-unes très remarquables semblaient s'épanouir dans cet air vicié ainsi que dans leur élément, présentaient un étrange aspect de santé factice, comme si ces femmes eussent été les plantes charnelles de cette serre. Il y en avait d'une beauté fine et fatiguée, dont les têtes patriciennes étaient bien celles des filles dégénérées des modèles des vieux peintres, et qui eussent certes paru plus belles vêtues d'un costume florentin du temps de Lorenzo il Magnifico qu'affublée comme elle l'était de l'avant-dernière mode parisienne mal comprise. D'autres, au contraire, étrangères ou voyageuses, portaient avec les raffinements les plus nouveaux cette livrée de l'extrême fashion qui crée une sorte de franc-maçonnerie des merveilleuses d'aujourd'hui par laquelle, sans se connaître, elles se retrouvent partout avec la même coiffure et la même silhouette. On en voyait de toutes jeunes, dont le regard morne et savant faisait frémir, des vieilles plâtrées, mais à l'air candide. en essayant d'apprécier l'âge probable des deux princesses russes, deux sœurs couvertes de pierreries et d'une beauté différente, mais provoquant au même degré, ont flotté entre 19 et 45 ans. Une américaine, nouvellement débarquée, attirait les regards par la longueur démesurée de sa traîne, contrastant avec le manque d'étoffe d'un corsage qui ne pouvait être que symbolique. C'était une jeune mariée, très naïve et très bonne, aimant son mari à la folie. Une dizaine de dames étaient entassées autour de la maîtresse de maison, encore très belle et richement habillée. La causerie était toute féminine, les hommes formant des groupes à part. Quelques-uns seulement se penchaient sur le dossier du fauteuil d'une dame et parlaient à demi-voix, en admirant l'effet des perles sur la blancheur des chairs. Sur une causeuse, dans un coin, une explication avait lieu entre un officier tout jeune et une dame romaine d'une beauté majestueuse et mûre. Sur les canapés de velours brun très larges et très bas, dans les chaises longues à dossiers fuyants, des jeunes gens s'étendaient d'un air profondément ennuyé. Un piano vertical, en bois de rose, était ouvert, et parfois quelqu'un y plaquait des accords et jouait à la sourdine les premières mesures d'une valse. De grandes étagères couvertes de bibelots précieux et de statuettes de Saxe attiraient les regards des amateurs de bric-à-brac, et sur l'épais tapis violet des peaux de tigre s'étalaient, dont les têtes aux yeux de verre semblaient vouloir mordre de leurs crocs terribles les pieds mignons coquettement chaussés. On fumait la cigarette partout, mais séparé du grand salon par une salle un peu sombre, où quelques joueurs faisaient leur partie, s'ouvrait un cabinet servant spécialement de fumoir. Cette pièce, tendue de velours vert et éclairée seulement par deux grands candélabres qui flanquaient la vaste cheminée en marbre noir, offrait une charmante retraite où les dames aussi venaient souvent se reposer sur les immenses fauteuils de cuir, dans une douce pénombre et dans la tranquillité d'une causerie nonchalante en fumant du tabac turc. Parfois, cependant, une discussion un peu vive y éclatait, ou bien il s'y tenait par hasard de ces conversations assez intimes pour ceux qui se présentaient à la porte, souvent n'en dépassassent pas le seuil. Elisa regardait tranquillement et observait, cachant la gêne que lui causaient les nombreux regards fixés sur elle. Les hommes, presque tous, avaient demandé à lui être présentés. Bien qu'elle accueillît tout le monde le sourire aux lèvres, on la trouva trop réservée et un peu altière. Plusieurs ne lui adressèrent que trois ou quatre mots. Quelques-uns, plus hardis, tâchèrent de nouer une conversation. Les femmes étaient froides, bien que Lady Thompson et la comtesse Goffredi fissent leur possible pour mettre Elisa à son aise avec elles. Du reste, Elisa ne comprenait que le tiers de ce qu'on disait, les phrases prononcées n'ayant de valeur que par le son entendu auquel il aurait fallu être initié. Il régnait différents jargons spéciaux. « Eh, marquise, quelles nouvelles avez-vous de votre mari ?»« Excellente, il est à Paris. »« Mais comment ne l'avez-vous pas accompagné ?»« Pour plusieurs raisons. »« D'ailleurs, j'attends ma mère dans quelques jours. »« Elle vient de Milan. »« Me faire une petite visite. » Un vieux monsieur s'approcha. « Je suis très lié avec Massimo, marquise. Je le défends toujours quand on l'attaque, mais le sachant à Paris quand vous êtes ici, j'ai bien envie d'en dire du mal moi-même. »« Éloignez-vous alors pour que je n'entende pas. » »« Oh, très bien, à merveille. Mais il vous écrit souvent, je suppose ? » ?»« Très souvent. » Madame Goffredi posa tout haut une question qui fit changer de sujet. Cependant, dans les groupes d'hommes, on ne parlait que de la marquise. Elle était charmante. Ce n'est pas une beauté, mais il y a quelque chose. Et puis... Oui, mais Massimo, au fond, est une brute. Cette femme-là joue un rôle, mais je parie qu'elle est bien malheureuse. Certes, puisqu'elle est folle de son mari. Tu en es sûr ? J'ai des preuves. Mais comment se fait-il ? Mon cher, c'est bien simple. Il en a déjà par-dessus les oreilles. Je crois bien qu'elle joue un rôle. C'est pour moi la plus grande poseuse du monde. C'est une femme froide. Non, elle est timide. Oh, timide, je vous assure qu'elle cause assez bien, n'est-ce pas, Pierino ? Oh, je n'en sais rien. Si vous croyez que je me ferais présenter à cette personne-là. Malgré tout, cette première apparition d'Elisa fut un succès. Beaucoup de préventions tombèrent devant elle. La vieille marquise Gritti déclara qu'elle se trouvait forcée d'excuser, jusqu'à un certain point, l'absurde mésalliance de D'Astorre. Un peu avant minuit, Elisa se leva pour partir. « Comment ? Vous ne voulez pas rester à souper ? On va servir à l'instant. »« Non, merci, il est déjà très tard pour moi. » Dès qu'elle fut sortie, tout le monde parla à la fois. « Chut ! » fit Lady Thompson. « Attendez un instant. » Mais on ne le pouvait. Les opinions se croisaient comme les fusées d'un feu d'artifice allumées par mégarde tout à la fois. On jugeait à haute voix et ensemble. L'entrée des domestiques, qui apportaient dans le salon à côté des petites tables, toutes servies pour le souper, fit diversion. Mais dès qu'on fut attablé, excité par les nappes blanches couvertes de cristaux, par les flacons de vin colorés de rubis et de topaze, par les parfums de haute gastronomie venant s'ajouter aux parfums ordinaires de l'appartement, chacun recommença de plus belle. « Voyons, trêve aux médisances, » dit la maîtresse de maison après un instant. « Je la protège et je l'aime. Et vous, baron, mauvaise langue, taisez-vous. » « Pardon, je ne disais pas de mal. Au contraire, je suis rempli de moralité. Je trouve tout simplement que Massimo a tort de s'absenter. C'est mon humble opinion. » « Messieurs et mesdames, » cria celui qu'on appelait Pierrino, « je parie. Allons, assez, taisez-vous. » Mais il acheva à voix basse, au milieu des rires des hommes et la désapprobation hypocrite des dames. Le lendemain, un grand nombre de cartes de visite furent remises au guarda portone du palais d'Astorre. Quelques jeunes gens, sans avoir reçu la moindre invitation, demandèrent même si la marquise était chez elle. Elisa avait dit vrai, elle attendait sa mère. Monsieur et Madame Valenti arrivèrent en effet le surlendemain. La position des parents d'Elisa avait été très bien réglée par Massimo. Il avait obtenu pour Valenti un emploi à Milan, assez lucratif, et que celui-ci désirait depuis très longtemps, tout à fait dans ses moyens, car il ne s'agissait que de causer avec beaucoup de monde. Quant à Madame Valenti, elle adorait Milan, sa ville natale, qu'elle n'avait jamais oubliée dans ses pérégrinations. Faire figure à Milan, comme elle disait, lui semblait le seul bonheur de la vie. Cela ne l'empêchait pas d'avoir l'intention d'aller assez souvent voir sa fille, sa chère marquise, que je ne veux cependant pas gêner. Dans le grand monde où elle brille, moi, pauvre femme retirée, ajoutait-elle en faisant sentir toute la grandeur de ses sacrifices. Elle disait aussi que Florence lui rappelait de douloureux souvenirs. D'ailleurs, D'Astorre lui avait parfaitement fait comprendre qu'elle ne devait pas abuser de sa position de belle-mère. Maintenant, Elisa, heureuse de revoir ses parents, embrassa son père avec effusion et compara la peur que sa mère lui faisait autrefois à l'affection toute simple qu'elle sentait maintenant pour elle malgré la différence de leur nature. La richesse aristocratique du palais d'Astorre frappa Madame Valenti, mais elle donna des conseils d'embellissement pour les grandes pièces qui, heureusement, ne furent pas suivies. En épousant Massimo, sa fille lui avait semblé si habile qu'elle lui portait toujours le plus grand respect et qu'elle n'osait pas même trop insister lorsqu'elle essayait de lui persuader d'aller beaucoup dans le monde et de prendre la place qui lui était due. Quant à l'étrangeté inhérente au mariage même, à l'absence prolongée de Massimo, au calme d'Elisa, qui semblait approuver la conduite de son mari, dont elle ne parlait jamais qu'avec l'accent d'une haute estime et d'une reconnaissance sans bornes, Madame Valenti s'en étonnait autant que tout le monde, mais restait intimidée devant la réserve de sa fille, et après quelques essais, elle n'osa plus l'interroger. Elle sortait du reste du matin au soir, dans le coupé de sa fille, faisant des commissions, se promenant, allant revoir toutes ses anciennes connaissances, pour les éblouir par ses toilettes neuves et par le récit des magnificences de son gendre. « Tu m'as dit qu'il t'écrivait souvent. » « Et je n'ai pas encore vu une seule lettre de ton mari depuis que je suis ici, » dit-elle un jour. « C'est que, probablement, il va revenir et veut me faire une surprise. » Mais au même instant, un domestique entra avec une lettre. « Serait-ce de lui ?» fit Madame Valenti. « Oui. »« Tiens, comme c'est drôle, juste au moment où je l'accusais. » Elisa lut rapidement la lettre, la remit dans l'enveloppe et dit que Massimo lui annonçait qu'il arriverait dans 4 ou 5 jours. « Elle ne me la montre pas, » se dit la mère. « Cette lettre-là doit être bien froide ou bien amoureuse. » Voici la lettre. « Savez-vous, chère marquise, que vous écrivez d'une façon charmante. Votre dernière lettre m'a beaucoup plu et j'ai des remords, comme d'un crime, d'avoir attendu si longtemps à vous répondre. Mais ma vie oisive est si occupée. Je n'ai pas une minute à moi, et il faut une constitution comme la mienne pour résister aux fatigues de mon existence paresseuse. Paris est animé comme au plus beau jour. L'héroïne du moment est plus que jamais Madame Kanzler. Cette actrice, devenue célèbre en 15 jours, et qui fait frémir toute une salle par la manière dont elle prononce un seul mot. Elle excelle surtout dans les rôles froids et méchants. Du reste, si je voulais vous mettre un peu au courant, je n'en finirais jamais, et je crois que cela ne vous intéresserait guère. Je vous raconterai quelques anecdotes à mon retour qui est prochain. Ces lignes n'ont d'autre but que celui de vous l'annoncer. Je partirai probablement après-demain, je m'arrêterai 2 jours à Nice, d'où je filerai droit sur Florence. Je ne sais si ce sera pour longtemps. Serez-vous en ville ou à la campagne, ou avez-vous quelques projets? Et vous avez donc été chez Lady T? C'est un assez joli établissement, mais il me semble que vous ne devez pas vous y plaire. Tout en vivant retiré, comme vous le faites, vous êtes cependant forcé de vous montrer quelquefois, cela vaut mieux. Je crois qu'un peu de distraction vous fera du bien. Cependant, je vous estime trop hautement pour vous donner des conseils. La somme que vous avez envoyée à cette pauvre Marietta est insignifiante et cela ne valait pas la peine d'en parler. Doublez donc et n'y regardez pas de si près une autre fois, ni jamais. Un des péchés capitaux me manque absolument, l'avarice. Que voulez-vous? On n'est pas parfait. Adieu, ma chère enfant. Tâchez de vous distraire comme vous le pouvez et à bientôt. Marquise, je vous baise les mains. D'Astorre.